encore une fois. Ça c'est pistache. Crier dans chaudière. Vendre dans la yé. Passer dans moulin. Ça va et m'en bas. Pompa m'en bas. Pompa m'en bas. Let me.